paraît bien à travers le terme « gift », qui signifie « cadeau » en anglais, mais « poison » en allemand, et l'intitulé même de cette... La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Europe-Afrique, histoire d'une amitié intéressée. Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie au temps béni des colonies. En 1976, Michel Sardou chante, avec beaucoup d'ironie sans doute, le temps des colonies. 6 ans plus tard, en 1982, le même Michel Sardou chante Afrique, adieu, belle Africa, où sont les eaux bleues du Tanganyika. Longue relation évidente depuis la colonisation jusqu'à la décolonisation entre les pays d'Europe et ceux d'Afrique, que signifie développement et coopération? Philippe Marchesin, bonjour. Bonjour. Il faut définir toujours les mots du sujet. Nous parlons de développement, de coopération aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Que signifient ces mots? Ont-ils le même sens? Sont-ils synonymes? Je pense qu'il faut, pour bien comprendre le développement et ce qui nous intéresse ici, la coopération, l'aide publique au développement, puisque aide publique au développement et coopération sont synonymes, me semble-t-il, et le terme développement se trouve dans l'expression aide publique au développement. Je pense qu'il faut, pour bien comprendre le sujet, saisir l'idée de paradoxe, de contradiction à travers cette idée d'aide au développement. L'idée de paradoxe vient très tôt. Lorsqu'on lit le livre d'Albert Sarrault, le ministre des colonies, en 1923, on s'aperçoit qu'il utilise les termes de devoir et d'intérêt. Par ailleurs, tous les grands textes de la coopération font référence à ces deux pôles, la solidarité et l'influence. D'ailleurs, la loi sur le développement solidaire qui a été adoptée le 4 août 2021 en France fait à la fois référence à la solidarité, puisque on est avec ce titre « Développement solidaire ». Et en réalité, dans le texte, quand on poursuit la lecture du texte, on s'aperçoit que finalement, l'aide est présentée comme un pilier de la politique étrangère. Voilà. Si vous voulez, en deux mots, ce paradoxe apparaît bien à travers le terme « gift », qui signifie « cadeau » en anglais, mais « poison » en allemand. Et l'intitulé même de cette politique publique de l'aide publique au développement évoque bien ce paradoxe, dans la mesure où, si je prends le sujet qui nous intéresse, en tout cas, moi, sur lequel je travaille, l'aide publique au développement de la France n'est pas du tout la même chose que l'aide publique au développement de la France. Oui, c'était pas la même chose. Et dans ce que vous nous dites, Philippe Marchesin, tout le cadre intellectuel de cette réflexion sur l'aide au développement et sur la coopération naît déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a toutes ces réflexions déjà présentes. Oui, puisque j'ai fait référence à Albert Sarrault, donc 1923, par hypothèse, et puis il y a la colonisation. Donc forcément, le lien est très présent. J'ai travaillé notamment sur les archives des années 50 et on voit bien, alors ça là c'est tout à fait passionnant, on voit bien que certaines idées, certains mots même, se retrouvent actuellement. Si on prend l'exemple du fonds d'aide et de soutien aux sociétés privées, le FASEP, au secteur privé, eh bien, on retrouve exactement les mêmes mécanismes. C'est tout à fait fascinant. Un autre exemple, les premiers coopérants, entre guillemets, étaient les administrateurs coloniaux qui se sont reconvertis pour des raisons corporatistes, dans la coopération. Et fort curieusement, quand on demande à ces anciens, ou quand on demandait à ces anciens administrateurs coloniaux, nouveaux coopérants dans les années 60, de présenter leur cursus, leur CV, ils englobaient, très curieusement, la période des indépendances dans leur CV. Et vous voyez, ils présentaient par exemple la période 1957-1962, 1956-1964. Ils englobaient l'indépendance qui donc, finalement, n'avait plus beaucoup de sens, puisqu'ils occupaient finalement presque les mêmes postes après qu'avant l'indépendance. Ce qui était très étonnant. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, ces notions de coopération, d'aide au développement, avec la rupture majeure de l'indépendance de tous les pays qui nous intéressent particulièrement, et toujours cette idée de réflexion qui date de bien avant les indépendances. Au moment de réfléchir à l'union entre deux continents, l'Europe et l'Afrique, pour le président de la Commission des territoires d'outre-mer, Jean-Jacques Juglas, c'est une question ancienne. La question n'est pas nouvelle. Déjà avant la guerre, M. Guernier, en développant l'idée des groupements longitudinaux de territoire, avait lancé l'idée de l'Eurafrique. Mais estimez-vous, M. le Président, que cette participation soit souhaitable ? Oui, oui, elle est souhaitable. Elle est souhaitable du point de vue européen, d'abord, ce qui d'ailleurs ne pose pas de question. Vous savez comment se présente l'Europe actuelle. Que nous le regrettions, soit il n'en reste pas moins, que c'est une Europe tronquée. Cette Europe a donc besoin de prolongements et de compléments. Or, il se trouve que les États qui forment cette Europe de l'Ouest, ce sont justement ceux qui sont à la tête de ce que l'on appelait hier des empires coloniaux, de ce que l'on appelle aujourd'hui le plus souvent des unions, et que ces territoires qu'ils groupent ainsi sont plus particulièrement en Afrique. Nous étions en septembre 1949, donc après la Seconde Guerre mondiale, mais avant la décolonisation. Et ce président de la Commission des territoires d'outre-mer évoque déjà des idées d'union. Mais il n'est pas encore question de décolonisation. Dites-nous, Philippe Marchesin, toutes ces réflexions d'échange, de soutien, d'aide naissent dans ce monde colonial, mais se transforment-elles ? Y a-t-il un changement au moment où l'on pressent après la Seconde Guerre mondiale, que la situation va changer ? Évidemment, il faut s'adapter au temps nouveau. Il y a un adjournement qui doit être fait, puisqu'on s'achemine vers les indépendances. Mais il est très intéressant de noter ce qu'écrit par exemple le CNPF, le Comité National du Patronat Français, à l'époque. Dans une des archives du CNPF, on peut trouver l'expression suivante : comment faire pour partir en restant. C'est quand même très étonnant. Partir en restant, donc on a cette idée de nouveauté, il faut bien sûr faire quelque chose de nouveau, mais en même temps, on va essayer de poursuivre les relations qui existaient auparavant, puisqu'on avait quand même des intérêts évidents sur le plan politique, géopolitique, stratégique, économique, culturel, etc. etc. Donc, on va rester dans cette idée peut-être d'un nouveau discours basé sur la solidarité, mais d'une pratique qui reste celle de l'influence. Et c'est ce qui nous ramène à ce que je disais au tout début, à savoir le paradoxe. C'est-à-dire qu'on affiche la solidarité, mais me semble-t-il, on pratique quand même beaucoup l'influence. Et Charles de Gaulle, quand il déclare dans une conférence de presse en 1964, en substance, tous ces pays qui nous demandent de l'aide, pourquoi leur donnerions-nous cette aide si cela n'en vaut pas la peine ? Donc c'est quand même très clair. Et si je voulais aller encore plus loin, bien plus loin, je ferais référence à Confucius, qui, dans une de ses pensées, nous livre cette réflexion quand même très étonnante. Pourquoi m'en veux-tu ? Je ne t'ai encore rien donné. Oui, ce lien de Gaulle-Confucius est étonnant et pertinent, Philippe Marchesin, avec cette histoire qui est aussi une histoire humaine. Et vous l'avez évoqué depuis que nous parlons, il y a ces bornes chronologiques, la fin de la Seconde Guerre mondiale, les différentes étapes de la décolonisation, et puis il y a l'humain, le général de Gaulle, entre autres, mais tant d'autres. Ce sont les mêmes personnes qui restent. Cela explique aussi pourquoi, dans le fonctionnement de pensée, nous allons trouver des continuités. Bien sûr. Les mêmes, toujours. Ah, bien sûr, beaucoup de continuité. Je l'évoquais tout à l'heure pour l'exemple des administrateurs coloniaux, mais prenons un exemple tout à fait intéressant et qui va nous relier à l'aide publique au développement. Actuellement, avec le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, nous sommes parvenus à 0,55% d'aide publique au développement en pourcentage du PNB. Et nous tendons, selon la loi adoptée en 2021, vers les fameux 0,7%. Mais il faut savoir que dans les années 60, nous étions à plus de 1%, ce qui est totalement inimaginable actuellement. Mais attention, et c'est là qu'on retrouve l'idée de continuité. Dans ces 1%, voire plus de 1%, la moitié concernait les DOM-TOM, départements donc et territoires d'outre-mer, l'ultramarin, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultramarin. Ce qui était pour le moins cocasse dans la mesure où il s'agit d'aide de la France à la France. On peut, je pense, très légitimement poser la question de ce genre d'aide, mais là, la continuité est évidente, puisque on aidait des pays, des territoires qui étaient français, mais on comptait cette aide dans l'aide publique au développement théoriquement destinée aux pays étrangers. Donc là aussi, une grande continuité. Et une grande histoire de paradoxe. Hein. Philippe Marchesin, vous enseignez à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit la politique française de coopération. Je t'aide, moi non plus. Et puis le développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales. Dans cette histoire qui nous intéresse, vous vous intéressez, et c'est en cela que nous allons sentir que plusieurs histoire se croise, se tresse, de l'aide de la France envers d'autres pays. Ces autres pays, ce sont ceux issus de l'empire colonial français. Et vous nous dites, c'est ça qui est intéressant, ce que l'on a longtemps appelé les DOM-TOM, qui font partie de la France et qui pourtant étaient considérés comme des territoires à aider. Et dans cette géographie, vous vous limitez dans l'étude, en tout cas les dirigeants français se limitent à l'ancien empire colonial, ou y a-t-il un regard vers d'autres territoires ? Il y a un regard vers d'autres territoires, car c'est l'histoire même de la coopération. Il me semble que assez rapidement, on est sorti de ce face-à-face ex-empire ou pays francophone. Pourquoi ? Parce que cette idée d'influence que j'évoquais au début de l'émission a pris le dessus progressivement. On l'a vu lors de dates tout à fait symboliques. Par exemple, lors de la réforme de la coopération en 1998, il s'est agi de sortir de ce qu'on pourrait appeler du précaré, ce qu'on appelait le précaré, pour aller vers ce qu'on pourrait appeler justement l'Afrique utile, à savoir l'Afrique anglophone, lusophone, hispanophone. Donc finalement cette attirance vers l'influence qui a toujours été le cas, mais auparavant on en parlait beaucoup moins. En tout cas, on le voit dans les archives. Maintenant, on le dit tout haut. Cette attirance vers l'influence va aller de l'avant et va prendre beaucoup plus d'importance les années suivantes. Je pense par exemple en 2013 à l'adoption de la doctrine de diplomatie économique qui consiste à aider les entreprises françaises à s'implanter dans les pays étrangers. Donc là, il s'agit vraiment d'aide aux entreprises françaises, d'aide à la France. Et si je regarde également de manière sérieuse et précise ce que contiennent les ODD, Objectifs du Développement Durable, qui ont été adoptés en 2015, eh bien, on s'aperçoit que c'est finalement l'occasion de dire « Mais auparavant, il y avait les pays en développement, mais dorénavant, nous sommes tous en développement durable ». Donc, voyez-vous, l'idée pourra, il y aura là la justification de ramener une partie de l'aide vers soi, puisqu'on en a besoin. Nous-mêmes, on a des objectifs, on a besoin de moyens. Donc, finalement, c'est peut-être aussi un prétexte pour aider moins, finalement, Et sur le plan européen, on voit bien qu'il y a là, je pense, avec ce dernier accord adopté en 2020-2021, il y a, je dirais, une forme de régression en matière de développement, puisqu'il y a, de nombreux objectifs qui vont bien au-delà du développement. Alors, et notamment les objectifs de sécurité et de politique de migration. Hein, qui sont actuellement, je pense, très prises en compte par rapport au passé. Le mot a été prononcé, Europe. J'évoquais plusieurs histoires qui se croisent. Il y a l'aide apportée par la France à d'autres pays, principalement ses anciennes colonies. Et puis, dans cette histoire, surgit l'Europe. Depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. C'est Robert Schuman qui s'exprimait en 1950 pour cette idée de communauté européenne qui aboutit à la communauté européenne du charbon et de l'acier. Véronique Dimier, bonjour. Oui, bonjour. L'Europe, dans ces années 1950, agit aussi dans la déclaration Schuman, il y a l'idée de solidarité. Alors, solidarité entre les pays d'Europe, mais nous sommes au tout début des années 1950 et plusieurs de ces pays d'Europe, la France principalement, conservent des colonies. Est-ce que ces territoires sont déjà inclus dans la réflexion de la solidarité ? Alors oui, tout à fait. Ces territoires sont déjà inclus avec l'idée de solidarité. Et d'ailleurs, un des leitmotifs de ce qu'on va appeler l'association avec les territoires d'outre-mer, qui est inscrit dans le traité de Rome, ça sera l'idée qu'il faut avoir avec ces pays, faire avec ces pays une grande œuvre de solidarité à l'égard de ces pays. Alors, l'association avec les territoires d'outre-mer est inclus donc dans le traité de Rome qui est négocié à partir de juin 1956 entre les États membres. Et c'est à cette même période d'ailleurs que la France met en place la loi cadre de fer dans ses colonies, hein, qui prépare quelque part à la décolonisation. Le 23 juin 1956, cette loi cadre met en place des conseils de gouvernement composés de ministres désignés par des assemblées territoriales qui sont élues au suffrage universel. Et le nouveau texte met en place une sorte de décentralisation des pouvoirs de la métropole vers ces territoires. Et donc la Constitution de 58 plus tard envisagera la mise en place de gouvernements autonomes dans le cadre d'une grande communauté française. De Gaulle organisera en septembre 58 au sein des territoires concernés un référendum sur cette Constitution, le maintien de ces territoires dans la communauté française. Et tous ces territoires opteront dans un premier temps pour le maintien dans cette communauté, sauf la Guinée. Et puis en 1960, opteront pour l'indépendance. Et donc on voit qu'il y a une convergence entre d'une part la construction européenne qui a lieu et puis la mise en place d'une décolonisation progressive. Et dans le cadre de la construction européenne, eh bien, la France insiste pour que ces pays qui sont sous souveraineté française, eh bien, fassent partie d'une manière ou d'une autre de la communauté européenne. Alors bien entendu, il n'est pas question de les intégrer directement, mais plutôt de les associer. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle l'association avec les territoires d'outre-mer, qui sont donc des territoires en Afrique subsaharienne, principalement des territoires français et belges, des territoires qui sont encore sous souveraineté française et belge. Il s'agit en fait d'anciennes, ce qu'on appelait anciennement les colonies, et qui deviennent, après la Seconde Guerre mondiale, donc des territoires d'outre-mer. On a changé de nom, de perspective à ce niveau-là. Alors cette association, en fait, avec les territoires d'outre-mer, comprend un volet financier, une aide au développement complémentaire de celle des États membres. C'est ce qu'on appellera le Fonds européen de développement. C'est un fonds qui est payé par les États membres et géré par la Commission européenne, qui est l'organe supranational de la communauté européenne. Et on prévoit aussi un volet commercial, des arrangements commerciaux entre la communauté européenne et puis ces pays. Véronique Dimier, nous parlons de tous ces pays. Il faut les qualifier, j'imagine, qu'il s'agit de réfléchir à la coopération et à l'aide au développement. Seules les anciennes colonies sont prises en compte ou là aussi s'agit-il d'une réflexion plus large sur l'ensemble des pays que l'on qualifiait alors de tiers-monde ? En 1957, lors du traité de Rome, il est uniquement question de s'intéresser à ces pays qui sont souveraineté française et belge. À l'époque, on s'intéresse assez peu, je dirais, aux autres pays, puisqu'ils ne sont pas partis, ne font plus partie en tout cas de l'Empire français ou des empires de la Belgique. Il est surtout question en fait de s'intéresser à ces territoires qui sont encore sous souveraineté française, qui sont encore des colonies quelque part, même si on les appelle des territoires d'outre-mer et qu'on appellera ensuite des territoires associés. L'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui n'est pas du tout la même structure que ce premier marché commun, cette communauté économique européenne. Cette Europe qui se construit assiste aux indépendances. Nous sommes dans les années 1960 et un à un, les pays obtiennent leur indépendance. Véronique Dimier, est-ce que les politiques d'aide s'adaptent aux indépendances ? Alors, elles vont s'adapter très bien aux indépendances, puisque donc une fois ces pays devenus indépendants, on va créer ce qu'on appelle la convention, on va négocier la convention de Yaoundé avec 18 États africains et malgaches associés, donc ces anciens territoires d'outre-mer, ces anciennes colonies. Cette aide sera renégociée tous les 5 ans et renommée Lomé en 75 après le premier élargissement et l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne. Et en 75, cette convention de Lomé comprendra 46 États qu'on appelle Caraïbes, Afrique, Caraïbes, Pacifique, dont les anciennes colonies britanniques, bien entendu. Alors, effectivement, cette association va s'adapter au territoire et pour ça, on va faire appel en fait aux administrateurs coloniaux français. D'abord, il va falloir convaincre tout simplement les élites de ces territoires que cette association, c'est une grande œuvre de solidarité. Voilà, j'y arrive à votre idée de solidarité. Une grande œuvre de solidarité qui va servir le bien-être des habitants de ces territoires. Et bien entendu, il s'agit de convaincre les élites africaines après l'indépendance, puisque ces élites restent extrêmement sceptiques par rapport à cette association. Ils la considèrent comme un nouveau moyen pour l'Europe d'exploiter leurs ressources. Et donc, pour les convaincre de rester associés, les services de la Commission vont envoyer un certain nombre d'administrateurs coloniaux pour les convaincre, dont un certain Jacques Ferrandi, qui va devenir le directeur du Fonds européen de développement. Et ces administrateurs coloniaux vont jouer un rôle extrêmement important à Bruxelles, puisqu'ils vont... ils vont contribuer à adapter cette aide en fait à ces nouveaux États indépendants qui sont pour les trois quarts, qui vont devenir pour les trois quarts des États néopatrimoniaux, des États, Jean-François Bayard parle d'États rhizomes, c'est-à-dire des États où l'autorité, la légitimité des hommes au pouvoir dépendent de leur capacité à entretenir des réseaux de clientèle en distribuant de l'argent, des prébendes, de l'argent qui viennent en partie de l'aide au développement. Et donc, les administrateurs coloniaux vont aider l'Europe quelque part à s'adapter à ces nouveaux régimes africains parce qu'ils connaissaient très bien les élites de ces régimes. Ils avaient déjà travaillé avec eux dans le cadre de leur parcours colonial. Il faut choisir du personnel pour mettre en place ces aides au développement, pour mettre en place cette coopération. Et Robert Lecourt, ministre d'État, qui est chargé de la coopération avec les États d'Afrique malgaches en 1959, lui aussi réfléchit au personnel qu'il faut choisir. Je considère que ce sont les personnels qui ont dépendu jusqu'à présent du ministère de la France d'Outre-mer qui sont les plus compétents pour donner l'assistance technique demandée par les États d'Outre-mer et les plus désireux d'apporter leur concours à ces États. C'est Vanda Benes qui lisait cette petite citation dans le cours de l'histoire du ministre d'État chargé de la coopération avec les États africains, Philippe Marchesin. Mais quand nous entendons que ce sont des administrateurs français qui sont appelés par l'Europe pour s'occuper de mettre en place cette aide, il y a la question du pourquoi. C'est parce que les Français sont déjà au point pour connaître ces territoires. C'est le fruit de longues années de colonisation. Oui, bien sûr. Et ils sont tout à fait au point. Et il y a là donc cette idée, encore une fois, de continuité. Tout est en place pour que ce qui se passait auparavant puisse se poursuivre. Et un peu paradoxalement, ces fonctionnaires en place ont peut-être davantage les mains libres qu'avant. On a plusieurs témoignages montrant ces administrateurs eux-mêmes disent qu'ils étaient plus contraints par ce qui se passait sous la colonisation qu'après les indépendances. Finalement, un peu paradoxalement, les leaders africains les laissent faire puisqu'ils ont de l'expérience. Oui, peut-être à cette époque-là, il y a aussi un grand manque de cadres locaux. L'idée essentielle, me semble-t-il, c'est bien cette idée d'intérêt qui prédomine. Et c'est là où on est quand même en grande contradiction par rapport aux objectifs initiaux de l'aide, puisque le premier objectif de l'aide depuis qu'elle existe est la lutte contre la pauvreté. Et que l'on tourne les choses dans quelque sens que l'on veuille, en tout cas sur cette période historique depuis 50-60 ans, on voit bien qu'il y a là un vrai problème, puisque ce que l'on constate, c'est que l'aide a tendance finalement à aller aux plus riches, de manière très étonnante. Si on regarde les courbes sur la longue durée, on voit bien que ce sont les pays à revenus élevés qui ont le plus d'aide. Si on regarde les 10 premiers receveurs d'aide au développement sur la longue durée, on s'aperçoit que les pays les moins avancés, les PMA, ont disparu des 10 premiers donateurs, ce qui est très étonnant. Enfin, j'ai trouvé des cas spécifiques, là aussi très curieux, puisque en 1973, le Gabon, il y a une augmentation du prix du pétrole, multiplié par 4. Donc, le Gabon, par exemple, gagne beaucoup d'argent, puisque c'est un petit pays, petite population. Et je me suis dit, logiquement, mais le Gabon devrait recevoir moins d'aide s'il a plus d'argent du pétrole. Eh bien non, il reçoit plus d'aide. Ça veut dire que l'aide sert en fait plus au commerce extérieur qu'à l'aide aux pauvres. Et j'ai retrouvé en 2012 la même tendance avec un autre pays, le Mozambique. Lorsque les gisements de gaz ont été découverts en 2012 au Mozambique, au Mozambique, l'aide a augmenté. C'est quand même très curieux. Assez paradoxal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y aurait comme un petit intérêt à avoir cette aide au développement, mais l'intérêt n'est pas pour celui qui reçoit, mais plutôt pour celui qui envoie. Avec, évidemment, quand il est question du personnel chargé de cette politique, des noms qui surgissent. C'est le cas de Jacques Foccart, vous savez, ce secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches. Ah, le réseau Foccart. On a dit partout que Foccart, c'est l'homme des situations difficiles. France Culture. Non, pas spécialement une situation difficile. On a surtout raconté l'état d'histoire avec les réseaux Foccart et... Le cours de l'histoire. Des histoires de ce genre. Ces réseaux existaient vraiment? Non, ils n'ont jamais existé. Je l'ai dit et répété. Xavier Mauduit. C'est Jacques Foccart qui dit que les réseaux Foccart n'ont jamais existé. Philippe Marchesin. C'est lui qui le dit. Évidemment, vu d'Afrique, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, dans votre travail, Philippe Marchesin, la question qui se pose toujours est le regard depuis les pays d'Afrique sur cette aide. Trouve-t-on facilement des sources ? Il y a des sources. J'ai trouvé de nombreux éléments aux archives de la Courneuve, archives diplomatiques, et aux archives nationales de Pierre Fitte. Notamment, j'ai eu accès aux archives présidentielles Giscard d'Estaing, qui m'a donné accès à ces archives à l'époque. Donc, il était toujours en vie. Sauf, a-t-il précisé sur son autorisation, les cartons concernant le Centrafrique. Allez deviner pourquoi. Je sais pas, c'est une question diamantaire, j'imagine, sur ces questions-là. Mais il est intéressant, évidemment, de réfléchir à l'aide au développement avec tous les documents officiels dont nous disposons depuis l'Europe. Et ceux d'Afrique sont plus difficiles à trouver. Oui, alors en Afrique, évidemment, c'est plus difficile. J'ai vécu notamment 4 ans en Mauritanie et je pense que j'ai été un des premiers à consulter les archives nationales à Nouakchott et elles n'étaient pas rangées. Donc évidemment, c'était un peu gênant puisqu'on ne trouvait pas ce qu'on aurait dû trouver là où on aurait dû le trouver. Mais j'ai trouvé des choses qui étaient très intéressantes là où je n'aurais pas dû le trouver. Là, c'est devenu passionnant puisque, un exemple, à l'époque, il y avait un parti unique qui devait transcender toutes les tribus. Et j'ai trouvé un document très secret indiquant qu'un ministre était chargé en sous-main d'organiser le dosage tribal à l'intérieur du parti unique. C'était donc le contraire de ce qui était annoncé. Donc, tout à fait passionnant. Mais je voudrais poursuivre avec, concernant les sources, ce que nous avons fait dans le cadre de 4 Master 2 pour le livre que vous avez évoqué tout à l'heure. La politique française de coopération, voilà. Je t'aide, moi non plus. Exactement. Nous avons réuni plus de 1000 entretiens. Et là, ça devient très intéressant parce que nous avons interviewé tous ceux qui font l'aide de la France. Et en fait, ce livre ne fait que leur donner la parole. Ça va du ministre au simple agent de l'Agence française de développement. Et qu'a-t-on remarqué ? On a remarqué que la plupart des interviewés demandaient l'anonymat. Alors là, ça pose un problème. Si cette politique d'aide au développement était si vertueuse, car qu'y a-t-il de mieux de donner de l'aide, en tout cas d'accorder de l'aide à un pays qui en a besoin ? Si cela était si vertueux, pourquoi réclame-t-on l'anonymat ? Donc là, il y a un vrai problème. Je pense que ces agents s'aperçoivent que ce n'est pas tout à fait ce qu'on annonce, ce qui est fait n'est pas tout à fait ce qu'on annonce, et ils ont besoin de dire ce qui se passe. Donc c'est finalement une espèce de frustration peut-être qui existe, et finalement l'entretien, une espèce finalement d'occasion de dire la réalité. Et là, c'est très très intéressant. Et puis parfois, pour prendre la parole, certains ne sont pas anonymes, bien au contraire, et c'est tant mieux, Tiken Jaffa-Coli. Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique américa-africa, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons. Et puis nos richesses. Et c'est des êtres surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé la. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Pour nous enterrer vivants, ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. La politique France-Africa. C'est du blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Tiken Jaffa-Coli, France-Afrique. C'est un album de 2002 dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric, Europe, Afrique, histoire d'une amitié intéressée. Et dans l'Europe, nous avons toujours ces deux sens, hein, au sens de continent bien sûr, et puis de la construction de cette union. Véronique Dimier, nous parlons de l'aide française, l'État, à ces anciennes colonies et à d'autres pays. Et dans le même temps, il y a cette autre histoire, celle de l'aide d'une union qui se forme aux autres pays. Mais l'union évolue. Et donc, vous assistez là aussi à une évolution de la forme que peut prendre l'aide au développement. Alors oui, à partir des années 70, je dirais, après l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne, il va y avoir une diversification des pays qui sont inclus dans cette aide, même si cette aide restera principalement axée sur les pays qui étaient auparavant sous souveraineté française et belge, c'est-à-dire les pays en Afrique subsaharienne. il va y avoir une diversification, notamment vers les pays du Maghreb, puisque l'Europe a besoin à l'époque de s'assurer, un soutien de ces pays du Maghreb dans le cadre de l'accès au pétrole, par exemple. Il faut bien voir également que cette aide, pas moins que l'aide française, sera utilisée pour des buts politiques. Hein, dans le cadre de la guerre froide, il faut maintenir les territoires, dans le cadre africain, dans le giron occidental, mais aussi les territoires ailleurs qu'en Afrique, dans le giron occidental. On va s'intéresser peu à peu, évidemment, également à l'Asie, à l'Amérique latine, et peu à peu, des programmes vont être mis en place pour ces pays, toujours pour également servir les intérêts de l'Europe en termes d'accès à certaines matières premières, pour ouvrir également de nouveaux marchés aux entreprises européennes, et puis pour maintenir tout simplement ces territoires dans le giron occidental. Donc l'aide européenne, à partir des années 1970, l'aide européenne va se diversifier, va avoir de nouveaux, servir de nouveaux territoires en dehors de l'Afrique subsaharienne. L'aide au développement est là pour le développement, pour lutter contre la misère et pour aider les pays à progresser. Mais dans ce que vous nous dites, Véronique Dimier, nous entendons bien qu'il y a des intérêts économiques, puis nous l'avons compris et nous le savons déjà, qu'une grande partie de l'aide envoyée revient après à l'envoyeur. Est-ce que cela est conçu, verbalisé, réfléchi, ou est-ce que tout est dissimulé sous le couvert de la solidarité ? Mais à la fois, ça dépend sur quelles archives on travaille. C'est-à-dire que si on travaille sur des archives, sur des documents qui sont écrits pour le grand public, évidemment, l'idée qui est dite, c'est évidemment celle de solidarité. C'est-à-dire qu'il faut aider ces pays à sortir de la pauvreté. Encore que l'idée de développement reste extrêmement floue jusque dans les années 70. C'est-à-dire que c'est l'idée d'un développement dans le respect des civilisations, ce qui est inscrit également dans la Constitution française de 1946. Et c'est une idée qui est extrêmement coloniale puisqu'elle était déjà au centre de l'enseignement d'écoles coloniales. Et elle est reprise, évidemment, dans les textes européens qui ont été largement influencés par ces administrateurs coloniaux. Et c'est une idée extrêmement contradictoire. On ne peut pas à la fois lutter contre, moderniser, faire du développement et puis respecter ce qui existe. Moderniser, ça veut dire en général détruire. On ne peut pas à la fois moderniser, donc détruire et respecter ce qui existe. Donc, je reviens à ce que disait mon collègue, c'est l'idée de développement reste extrêmement contradictoire. Et alors les buts, si on regarde les archives un peu plus intimes, je dirais, des archives qui sont écrites entre les États membres ou entre la Commission européenne et les États membres, ici évidemment, on retrouve des buts qui sont beaucoup moins avoués au niveau public, c'est-à-dire des buts politiques. Il s'agit de maintenir ces pays dans le giron occidental. Il faut avoir accès à certaines matières premières comme l'uranium, très important pour construire les bombes atomiques. Il faut ouvrir des nouveaux marchés aux entreprises européennes. Et d'ailleurs, si on regarde les statistiques concernant les entreprises qui avaient des appels d'offres lancé par le Fonds européen de développement, c'était surtout des entreprises européennes, même si le traité de Rome précise que l'ensemble des entreprises européennes et des États associés peuvent avoir accès à ces appels d'offres. Ce sont en fait surtout des entreprises françaises à l'origine, puisqu'elles sont déjà sur place, qui vont avoir ces appels d'offres. Et évidemment, c'est une opération retour, comme diraient mes étudiants, c'est-à-dire aussi une subvention déguisée aux entreprises françaises, notamment ici, et plus largement aux entreprises européennes qui vont trouver de nouveaux marchés en Afrique, donc dans les territoires concernés par cette association, ces accords de Yaoundé et de Lomé. Des intérêts pluriels, des intérêts économiques, nous l'entendons bien, mais aussi, et vous l'avez rappelé, Véronique Dimier, des intérêts géopolitiques. Et oui, c'est la guerre froide. Chers amis, vous êtes... Et nous sommes une large partie de ce monde et nous avons notre mot à dire sur les affaires universelles. Et pas simplement à nous considérer comme responsables d'un canton de la planète. Bien entendu, vous souhaiteriez que les relations entre les deux superpuissances n'aient jamais à interférer avec les problèmes qui sont en priorité les vôtres. Vous souhaiteriez que les controverses sur les rapports Est-Ouest n'occultent pas les questions du développement et la France pas davantage, je ne l'accepte. Mais nous devons tenir compte des réalités du monde. Votre objectif est d'empêcher que l'Afrique ne devienne le champ clos des rivalités et des contradictions d'intérêts extérieurs à votre continent. C'est le président François Mitterrand qui s'exprimait en novembre 1981 lors de la conférence des chefs d'État de France et d'Afrique. Mais très intéressant cela avec des chefs d'État de France et d'Afrique, parce qu'il faut bien des interlocuteurs, Philippe Marchesin, dans cette histoire. Ils sont où les interlocuteurs? Nous parlons beaucoup des administrateurs coloniaux français qui se convertissent dans l'aide au développement, mais qui sont les interlocuteurs? D'ailleurs, y en a-t-il? Les écoute-t-on? Donc, juste avant d'aborder la question des interlocuteurs, je rappellerai deux phrases prononcées par François Mitterrand. Tout d'abord, aider le tiers-monde, c'est céder soi-même, ce qui exprime encore bien l'ambiguïté. Et deuxième phrase qui, là, n'exprime plus du tout l'ambiguïté, le véritable ministre de la coopération, c'est le PDG d'Elf. C'est clair. Voilà. Donc, alors, les interlocuteurs, bien, majoritairement, évidemment, ce sont les chefs d'État africains qui, oui, dans l'ensemble, sont quand même très proches de ce que souhaite la France. Alors, il y a toujours des exceptions. On l'a vu avec, par exemple, Thomas Sankara, mais on sait comment ça s'est terminé. Hein, voilà. Donc, non, en règle générale, ben, les interlocuteurs, c'est un peu, finalement, la... Je dirais ce que l'ancien dominant souhaite finalement. Mais de manière plus générale, moi je pense qu'il y a quand même aussi bien sur le plan de la France que de l'Europe, puisqu'il y a énormément de liens entre les deux évidemment, il y a quand même cette idée d'échec de la coopération. En tout cas, si on fait un petit bilan très rapide, ou si on regarde certains points, c'est très étonnant. Tout d'abord, les taux de pauvreté. Un pays tel que Madagascar a 70% de pauvres. Mais même la Côte d'Ivoire, c'est 50%. Deux, trois exemples. Le Sahel importe du lait en poudre d'Europe. Est-ce normal? Après 60 ans d'indépendance, alors que la principale richesse de cette région est l'élevage, comment fait-on pour importer du lait en poudre? Le Nigeria importe de l'essence, alors que c'est le premier producteur de pétrole en Afrique. Donc, il y a des problèmes de cohérence, de manque de cohérence. L'Europe, par exemple, ou bon, la France, mais l'Europe par extension, est favorable avec une politique rurale basée sur l'agriculture familiale. Or, l'Europe exporte ce fameux poulet PAC de la politique agricole commune qui est bien moins cher que le poulet produit en Afrique. Et ça pose des vrais problèmes parce que comment peut-on d'un côté aider et de l'autre côté ruiner des filières locales telles que, je parlais de l'agriculture, mais ça peut être le textile, la fabrication de boubou, avec tous les vêtements que l'on peut envoyer, vous voyez, même si c'est un geste sympathique au départ, mais à quoi ça sert en termes de développement? Quelle est finalement cette coopération qui conduit à une remise en cause du développement? Et puis, dans la contestation de la politique qui est mise en place, c'est vrai que quelques figures se distinguent. Vous avez évoqué Thomas Sankara, donc le Burkina Faso, bien sûr, mais il n'y a pas que cela. Et Véronique Dimier, tout ce que nous évoquons aujourd'hui est déjà souligné par des observateurs durant ces longues années de construction de l'aide au développement. Y a-t-il des évolutions? Est-ce que toutes ces critiques sont prises en compte? Mais en fait, moi je reviendrai à ce que disait Philippe Marchesin, c'est-à-dire que il y a effectivement des ONG, il y a beaucoup de critiques qui vont se mettre en place, mais qui dénoncent cette incohérence, par exemple, des politiques de développement. Hein, les ONG vont largement, ou même des universitaires, vont largement critiquer cette incohérence des politiques de développement qui fait qu'on donne, on prend de l'autre côté. Mais je pense que ça n'est pas tellement écouté, parce que, ça voudrait dire stopper l'aide au développement, quelque part. À partir du moment où l'aide au développement sert plus les intérêts, comme l'a dit Philippe Marchesin, de l'Europe que ceux de l'Afrique, si on veut vraiment arrêter le système, il faudrait ne plus donner et déjà ne rien prendre. en fait, déjà ne rien prendre, tout simplement. Et ça, c'est pas possible, puisque la légitimité de l'Europe, qu'elle soit politique, économique, elle dépend également, en tout cas par rapport aux États africains, elle dépend de sa capacité à donner, à des élites. Alors moi, je parlerais plutôt de ces élites. Alors, c'est des élites qui seront très peu critiques quelque part, sinon quand il s'agit de servir leurs intérêts par rapport à cette association. En général, ces élites vont largement profiter de cette association avec les territoires d'outre-mer, de ces accords de Lomé, de Yaoundé, pour se maintenir au pouvoir, tout simplement, de même qu'elles vont profiter de l'aide au développement française pour se maintenir au pouvoir. Et leur but, c'est de se maintenir au pouvoir. Ça n'est pas, pour une grande partie de ces élites en tout cas, hein, je vais généraliser, mais c'est pas toujours le cas, mais c'est en général le cas, c'est pour ces élites, il faut se maintenir au pouvoir coûte que coûte. C'est leur but principal. Leur but, ça n'est pas d'aider leur population, ça n'est pas de se préoccuper de leur population. Alors s'il y a des critiques, ça ne peut être que dans des partis opposants au pouvoir, critiques de l'aide, je pense, ou alors des critiques venant d'ONG sur place qui vont critiquer ces incohérences des politiques européennes de développement. Il faut bien voir également que les élites au pouvoir en Afrique ne seront pas passives face à cette aide au développement, qu'elle soit française ou européenne. Elles vont essayer de jouer de la compétition entre les différents donateurs pour avoir plus d'aide. Moi, je me rappelle d'une affaire extraordinaire trouvée dans les archives de Jacques Foccart, précisément, de Senghor, qui envoyait une lettre au président de la République, je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, en disant « si vous ne financez pas ce projet », hein, il s'agissait d'un projet de développement pour Dakar, un grand projet pour amener de l'eau à Dakar. Si vous ne mettez pas en place ce projet, eh bien, nous allons aller voir tout simplement nos amis soviétiques pour qu'ils financent ce projet. Et donc, à l'époque, l'Europe, si elle veut maintenir son influence sur ces pays, quelque part, elle doit, eh bien, aussi accepter les demandes de ces élites qui ne sont pas toujours des demandes, même rarement, demandes qui allaient rarement dans le sens d'une lutte contre la pauvreté, je dirais. Ou alors, si elle allait dans le sens d'une lutte concernant le développement, c'était le développement des élites africaines, leur propre développement et le développement des entreprises françaises à l'époque qui également donnaient beaucoup d'argent à ces élites africaines pour pouvoir faire du commerce, pour pouvoir avoir accès aux appels d'offres, etc. Voilà, c'est une histoire bien connue. Oui, et puis Philippe Marchesin, pour terminer cette émission, il faut le rappeler, il faut le dire sans cesse, mais il y a toujours cette réflexion du taux de retour, c'est-à-dire que quand l'aide est envoyée, combien revient à celui qui l'a envoyée, c'est énorme. Oui, d'après les estimations les plus sérieuses et complètes que j'ai pu trouver, c'est entre 70 et 80% pour l'aide bilatérale et 90%, parfois plus pour l'aide multilatérale. J'ai retrouvé le chiffre de 300% de retour dans le cadre du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, en matière de contrats d'équipement ou de contrats de consultants. Donc, oui, ça c'est très important. Et puis, autre phénomène aussi très important, c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire que le donateur mène la danse. Et là, on a un grand problème, puisque le développement, par définition, c'est la grande... le grand apport des anthropologues du développement, c'est que on se développe, on ne développe pas, on se développe. Donc, on ne peut pas développer de l'extérieur. C'est ceux qui sont concernés qui doivent le faire. Eh bien, merci Philippe Marchesin. Et je rappelle la politique française de coopération, Je t'aide, moi non plus, et où votre autre ouvrage, Un développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales. Merci de tous ces éclaircissements. Aussi à vous, Véronique Dimien, vous avez travaillé sur l'invention de l'aide au développement européenne. On trouve toutes les références sur le site du cours de l'histoire. Merci à tous les deux. Et pour le moment, nous retrouvons, et lui, il développe notre esprit critique, c'est Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment discipliner le public populaire? Au XVIIIe siècle, le public désargenté qui se rendait à la Comédie-Française occupait les places situées derrière les fauteuils d'orchestre à l'endroit qu'on appelle le parterre. Les places y étaient les moins chères car les spectateurs exclusivement masculins devaient rester debout. Ils étaient le plus souvent issus des milieux populaires mais pas exclusivement. Il n'était pas rare, en effet, d'y trouver des étudiants issus de la bourgeoisie, des financiers ou des officiers militaires ayant connu des revers de fortune. Parfois même, se glissaient dans cette foule des femmes déguisées en hommes parce qu'elles voulaient payer moins cher leur billet d'entrée. Le parterre des grands théâtres parisiens rassemblait donc un public composite qui ne venait pas pour assister passivement à un spectacle comme le font aujourd'hui les amateurs d'art dramatique. Tout en suivant de près ce qui se passait sur la scène, ces spectateurs se déplaçaient et échangeaient des commentaires avec leurs voisins. L'agitation du parterre pouvait être aggravée par des circonstances tenant à la façon dont étaient organisées les représentations. Les soirs de première, il pouvait être très difficile de se procurer un billet. En dépit des efforts de la police pour limiter la cohue, les troupes de théâtre s'efforçaient en effet d'accueillir le plus de monde possible. Le manque d'aération et la surchauffe contribuaient aussi à l'énervement général. Il n'était pas rare que les spectateurs du parterre s'adressent au public aisé qui avait pris place au balcon en s'écriant « Ouvrez les loges !» afin de permettre la circulation de l'air dans la salle. L'agitation du parterre s'expliquait également par le fait qu'il s'agissait d'un endroit où l'on pouvait boire et manger. Il arrivait même que des spectateurs y fassent leurs besoins pour extérioriser leur colère. Par exemple, un témoin rapporte que le 13 janvier 1777, un spectateur de la Comédie-Française, furieux d'apprendre que la représentation avait été annulée, poussa l'audace jusqu'à faire ses ordures au milieu de l'assemblée, escorté et soutenu par quelques polissons comme lui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce comportement indécent n'était pas l'apanage d'un prolétariat sans éducation. Le 18 août 1751, la police arrêta même un fermier général, c'est-à-dire un aristocrate qui percevait en fermage les impôts pour le compte du roi, parce qu'il avait uriné dans le parterre de la Comédie-Française. Même si ce genre de provocation était exceptionnel, toute cette agitation indisposait fortement les auteurs des pièces et surtout les comédiens. Il semble qu'au XVIIIe siècle, les spectateurs du parterre aient exercé un contrôle sur les spectacles plus important qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Mais, dès ce moment-là, les artistes s'engagèrent dans un long combat pour discipliner leur public avec le soutien des autorités et des porte-paroles de la culture légitime. C'est ainsi que dans les lieux les plus prestigieux de notre monde culturel, la pratique sociale du théâtre se transforma en un événement esthétique simplement contemplatif, à la différence de ce qui se passe dans les stades pour les spectacles sportifs. Merci Gérard Noiriel, ça donne des idées hein, face à une mauvaise représentation théâtrale ou à l'opéra lorsque le public n'est pas content de certaines décisions. Ben voilà, des idées de manifestation. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Tosienne Vudès, Jeanne Delacroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.